sais qui je suis, et toi je vois que t'es chaud. Mon derrière c'est sale, toujours le même, sur vêtements dorés de platine. Avec mon cache niqué choix, et c'est pas ta faute si ça fait qu'échouer. Pose-toi, réfléchis, je te connais maintenant, je vois ton regard, c'est dans mon dos, ça fait quelque chose. Je pense qu'à ouvrir le charbon, faire ses sous et mitrailler. Fais gaffe, ton pote se transforme en pute, c'est là qu'il trahit. Il pensera qu'à son cul, voir des gars d'y sortir le KX. Il faisait le gifle à l'ancienne, ça y est maintenant, il fait le KX. Ma veste à spam, moi je l'ai pas tourné. L'OVNI en tournée, je suis en attaque, puis je reviens en défense et je fais un tacle à la rounée. Je suis en feu, mais j'ai l'air calme. Je reste zen comme un mafioso. Dis mon rêve de gosse comme RK. Je trahirai jamais la condamne. Évidemment, je rêve le KTM. Chic Tagadi M. Toi jaloux, t'aimerais me voir faire péter par les TDM. Moi je dis merci la zone, je m'arrête pour la toffe. Je dis merci l'asile. Au moins, je suis criminel, tu connais la zone, non, là ils ont mis. Toujours jogging. Azik sous baleine, j'suis dans ce palais, j'sors de la douche en la pomme d'amour. J'fais chute la 110, la lève à mort. J'suis déter comme mon petit frère. J'me rappelle quand c'était un chien, on m'a dit la galère, faudra t'y faire. J'fais une doule, oui c'est moi que t'as vu au feu rouge capuché. Un restroit, oui c'est moi que t'as vu au drive, tu suis touché. J'ai tourné dans le ghetto de bâtiment en bâtiment. Et toi crois pas que t'es un voyou parce que tu pars en patinant. Tu dis que t'étais là-bas, j't'ai jamais vu en bâtiment. Dis-moi pourquoi tu m'as. En fait, c'est balai, balai. Tu vois que tu finis en jaloux, en talais. Pas de balai, tu vois ton temps, pas de balai qui s'emballe. T'en rigoles, même entouré, tu te sens salé. Tu t'isoles, tu fais passer le temps, t'appelles une folle. Crois pas que c'est drôle. Moi, je suis PDH cavaleur. Crois pas que c'est drôle. Ça fait la fête en cavaleur. Crois pas que c'est drôle. Non, crois pas que c'est drôle. Crois pas que c'est drôle. En fait, c'est balai, balai. Tu vois que tu finis en jaloux, en talais. Pas de balai, tu vois ton temps, pas de balai qui s'emballe. T'en rigoles, même entouré, tu te sens salé. Tu t'isoles, tu fais passer. Le temps t'appelle une folle. On croit pas que c'est drôle. Je suis PDH cavaleur. On croit pas que c'est drôle. Ça fait la fête en cavaleur. On croit pas que c'est drôle. Non, on croit pas que c'est drôle. On croit pas que c'est drôle. Mis des coups de putain, tout va t'es mal. Le succès ça va vite. Pourtant je suis resté le même. Je mets toujours des TN à Zix. Je le fais moi rentrer le bitch. Des bites histoire qu'on finisse vite. C'est la famille tranquille. On fait le fit. Très loin de ces gosses de riches. Hein. Mais tout sur pétou. Mon cerveau fait que l'oublier. Pas tant pour un coup. Je suis pas non pour un gobillet. Mon prix pour un coup. Du coup je me dois de les oublier. Je marche avec mon gun même s'ils ont inventé l'opinel. Attends, juste un instant, lui je le suis pas, c'est mon instinct. Bougez-le moi vite de là, il va manger un coup d'extinct. Je peux me voir sur Instinct, te faire le BG sur Insta. Je me retourne en solaire, rigole pas, j'ai pas capté le frein. Je tourne en rouge, sauf à sommeil, insolent, c'était le rêve de gosse. L'ancien s'en met plein le zen, il nous raconte toute son enfance. Hey, il chire une barre et j'y pense, je les vois comme des menteurs. Je continue ma croissance, ça fait longtemps que j'ai plus peur. Et c'est reparti, j'ai envie de kicker comme à l'ancienne. Envoie une prod de 3 massas et je vais te montrer comment les faire. En ce moment, moi je sers à ton boss, on lui pas sert. Je vois tellement de sueur de bière, ton pote j'en fais tomber mon verre. Dans mon monde, dans my walk, oh, canon sous la parka. Arrête de me dire pourquoi, t'es pressé, je sais pas pourquoi. Wesh Marseille zone, c'est l'accent du sud. Je la respecte, ça daronne même si je t'insulte de fils de pute. Réveille surtout pas mes démons, même ton grand-père je le cambou. Ils t'ont pris pour un bon, aujourd'hui veulent te tuer. Tu mélanges tout, je m'en fous mes yeux et tu joues sur le Coran. Abruti, t'as pété à une caisse, tu la revends sur le bon point. Ok, c'est la vie, la rue, la vraie, mais c'est pas pour autant. J'ai toujours pas changé, hella, les freins à main sur le rond-point. Combat que c'est balai, balai. Tu veux que tu finis en jaloux, en talais. Pas de balai, tu vois tout en pas de talais qui s'emballe. T'en rigoles, même entouré, tu te sens salé. Tu t'isoles, tu fais passer le temps, t'appelles une folle. On croit pas que c'est drôle. Je suis PDH cavaleur. On croit pas que c'est drôle. Ça fait la fête en cavaleur. On croit pas que c'est drôle. Non, on croit pas que c'est drôle. On croit pas que c'est drôle. On croit que c'est drôle, drôle. Tu vois que tu finis en jaloux, en talais. Pas de balai. Tu vois que ton pas de talais qui s'emballe. T'en rigoles. Même entouré, tu te sens salé. Tu t'isoles. Tu fais passer le temps, t'appelles une folle. On croit pas que c'est drôle. Je suis PDH cavaleur. On croit pas que c'est drôle.